sublime, reprenez votre fervent char. Les traîtres ont payé leur crime, les voilà tombés dans l'abîme, sous la main de l'exécuteur. Yorlov, mon serviteur fidèle, toi qui me dévoila leur perfide projet, prends place à mes côtés. Que leur troupe rebelle, oublions les forfaits et remplissons notre coupe carie. À toi, de ton front délicat, chasse le pas du froid. Et dis-nous un refrain de ta belle patrie. Avec sa rose, et cosette est là.

Kremlin, coup de plainte et banille. C'est moi qui vous tiens lieu de parents, de patrie. Débarrassez vos fronts de ces voiles jaloux. Une enfant, jeune fille, ne crains-tu pas exciter mon courroux? Thank you. non ha più luna. Mo sempre ta partiamo, vedine prisa tua. Eh bien, ce sera bon.